La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 4e, à qui est due la grandeur des Romains. Chapitre 3. Si un État qui ne s'accroît que par la guerre doit être estimé sage et heureux. Voyons donc maintenant sur quel fondement les païens osent attribuer l'étendue et la durée de l'Empire romain à ces dieux qu'ils prétendent avoir pieusement honorés par des scènes infâmes jouées par d'infâmes comédiens. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais bien savoir s'ils ont le droit de se glorifier de la grandeur et de l'étendue de leur empire, avant d'avoir prouvé que ceux qui l'ont possédé ont été véritablement heureux. Nous les voyons en effet toujours tourmentés de guerres civiles ou étrangères, toujours parmi le sang et le carnage, toujours en proie aux noires pensées de la crainte ou aux sanglantes cupidités de l'ambition, de sorte que s'ils ont eu quelque joie, on peut la comparer au ver, dont tout l'éclat ne sert qu'à faire plus appréhender sa fragilité. Pour en mieux juger, ne nous laissons point surprendre à ces termes vains et pompeux de peuple, de royaume, de province. Mais puisque chaque homme, considéré individuellement, est l'élément composant d'un État, si grand qu'il soit, tout comme chaque lettre est l'élément composant d'un discours, représentons-nous deux hommes dont l'un soit pauvre, ou plutôt dans une condition médiocre, et l'autre extrêmement riche, mais sans cesse agité de craintes, rongé de soucis, tourmenté de convoitises, jamais en repos, toujours dans les querelles et les dissensions, accroissant toutefois prodigieusement ses richesses au sein de tant de misères, mais augmentant du même coup ses soins et ses inquiétudes. Que d'autres parlent l'homme d'une condition médiocre se contente de son petit bien, qu'il soit chéri de ses parents, de ses voisins, de ses amis, qu'il jouisse d'une agréable tranquillité d'esprit, qu'il soit pieux, bienveillant, sain de corps, sobre d'habitude, chaste de mœurs et calme dans sa conscience, je ne sais s'il y a un esprit assez fou pour hésiter à qui des deux il doit donner la préférence. Or, il est certain que la même règle qui nous sert à juger du bonheur de ces deux hommes, doit nous servir pour celui de deux familles, de deux peuples, de deux empires, et que si nous voulons mettre de côté nos préjugés et faire une juste application de cette règle, nous démêlerons aisément ce qui est la chimère du bonheur et ce qui en est la réalité. C'est pourquoi, quand la religion du vrai Dieu est établie sur la terre, quand fleurit avec le culte légitime la pureté des mœurs, alors il est avantageux que les bons règnent au loin et maintiennent longtemps leur empire, non pas tant pour leur avantage que dans l'intérêt de ceux à qui ils commandent. Quant à eux, leur piété et leur innocence, qui sont les grands dons de Dieu, suffisent pour les rendre véritablement heureux dans cette vie et dans l'autre. Mais il en va tout autrement des méchants. La puissance, loin de leur être avantageuse, leur est extrêmement nuisible, parce qu'elle ne leur sert qu'à faire plus de mal. Quant à ceux qui la subissent, ce qui leur est avant tout préjudiciable, ce n'est pas la tyrannie d'autrui, mais leur propre corruption, car tout ce que les gens de bien souffrent de l'injuste domination de leur maître n'est pas la peine de leur faute, mais l'épreuve de leur vertu. C'est pourquoi l'homme de bien dans les fers est libre, tandis que le méchant est esclave jusque sur le trône, et il n'est pas esclave d'un seul homme, mais il a autant de maîtres que de vices. L'Écriture veut parler de ses maîtres, quand elle dit « Chacun est esclave de celui qui l'a vaincu. » 2 Pierre 2, 19. Saint Augustin prend ici le plus pur de la morale stoïcienne pour le combiner avec l'esprit chrétien. Voir, Cicéron, cinquième paradoxe, que le sage seul est libre, et que hors de la sagesse il n'y a qu'esclavage. Chapitre 4. Les empires, sans la justice, ne sont que des ramades de brigands. En effet, que sont les empires sans la justice, sinon de grandes réunions de brigands? Aussi bien, une réunion de brigands est-elle autre chose qu'un petit empire, puisqu'elle forme une espèce de société gouvernée par un chef, liée par un contrat, et où le partage du butin se fait suivant certaines règles convenues? Que cette troupe malfaisante vienne à augmenter en se recrutant d'hommes perdus, qu'elle s'empare de places pour y fixer sa domination, qu'elle prenne des villes, qu'elle subjugue des peuples, la voilà qui reçoit le nom de royaume, non parce qu'elle a dépouillé sa cupidité, mais parce qu'elle a su accroître son impunité. C'est ce qu'un pirate, tombé au pouvoir d'Alexandre le Grand, sut fort bien lui dire avec beaucoup de raison et d'esprit. Le roi lui ayant demandé pourquoi il troublait ainsi la mer, il lui repartit fièrement, « Du même droit que tu troubles la terre. Mais comme je n'ai qu'un petit navire, on m'appelle pirate, et parce que tu as une grande flotte, on t'appelle conquérant. » Cette anecdote est probablement empruntée au livre 2 de la République de Cicéron. Chapitre 5. La puissance des gladiateurs fugitifs fut presque égale à celle des rois. En conséquence, je ne veux point examiner quelle espèce de gens ramassa Romulus pour composer sa ville. Car aussitôt que le droit de cité dont il les gratifia les humilia couvert des supplices qu'ils méritaient et dont la crainte pouvait les porter à des crimes nouveaux et plus grands encore, ils devinrent plus doux et plus humains. Je veux seulement rappeler ici un événement qui causa de graves difficultés à l'Empire romain et le mit à deux doigts de sa perte, dans un temps où il était déjà très puissant et redoutable à tous les autres peuples. Ce fut quand un petit nombre de gladiateurs de la Campanie, désertant les jeux de l'amphithéâtre, levèrent une armée considérable sous la conduite de trois chefs et ravagèrent cruellement toute l'Italie. Qu'on nous dise par le secours de quelle divinité, d'un si obscur et si misérable brigandage ils parvinrent à une puissance capable de tenir en échec toutes les forces de l'Empire. Conclura-t-on de la courte durée de leur victoire que les dieux ne les ont point assistés? Comme si la vie de l'homme, quelle qu'elle soit, était jamais de longue durée. À ce compte, les dieux n'aideraient personne à s'emparer du pouvoir, personne n'en jouissant que peu de temps, et on ne devrait point tenir pour un bienfait ce qui dans chaque homme et successivement dans tous les hommes s'évanouit comme une vapeur. Qu'importe à ceux qui ont servi les dieux sous Romulus et qui sont morts depuis longues années, qu'après eux l'Empire se soit élevé au comble de la grandeur, lorsqu'ils sont réduits pour leur propre compte à défendre leur cause dans les enfers? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela ne fait rien à la question, mais enfin, tout temps qu'ils sont, après avoir vécu sous cet empire pendant une longue suite de siècles, ils ont promptement achevé leur vie et ont passé comme un éclair. Après quoi ils ont disparu, chargés du poids de leurs actions. Que si au contraire il faut attribuer à la faveur des dieux tous les biens, si courte qu'en soit la durée, les gladiateurs dont je parle ne leur sont pas médiocrement redevables, puisque nous les voyons briser leur fer, s'enfuir, assembler une puissante armée, et, sous la conduite et le gouvernement de leur chef, faire trembler l'Empire romain, battre ses armées, prendre ses villes, s'emparer de tout, jouir de tout, contenter tous leurs caprices, vivre en un mot comme des princes et des rois, jusqu'au jour où ils ont été vaincus et domptés, ce qui ne s'est pas fait aisément. Mais passons à des exemples d'un ordre plus relevé. Note. La guerre des gladiateurs fut terminée, au bout de 3 ans. Chapitre 6. De l'ambition du roi Ninus qui, le premier, déclara la guerre à ses voisins afin d'étendre son empire. Justin, qui a écrit en latin l'histoire de la Grèce, ou plutôt l'histoire des peuples étrangers, et abrégé Trog Pompée, commence ainsi son ouvrage. Dans le principe, les peuples étaient gouvernés par des rois qui étaient redevables de cette dignité suprême, non à la faveur populaire, mais à leur vertu consacrée par l'estime des gens de bien. Il n'y avait point alors d'autre loi que la volonté du prince. Les rois songeaient plutôt à conserver leurs états qu'à les accroître, et chacun d'eux se contenait dans les bornes de son empire. Ninus fut le premier qui, poussé par l'ambition, s'écarta de cette ancienne coutume. Il porta la guerre chez ses voisins, et comme il avait affaire à des peuples encore neufs dans le métier des armes, il assujettit tout jusqu'aux frontières de la Libye. Et un peu après, Ninus affermit ses grandes conquêtes par une longue possession. Après avoir vaincu ses voisins et accru ses forces par celles des peuples soumis, il fit servir ses premières victoires à en remporter de nouvelles et soumit tout l'Orient. Quelque opinion qu'on ait sur la véracité de Justin ou de Trog Pompée, car il y a des historiens plus exacts qui les ont convaincus plus d'une fois d'infidélité, toujours est-il qu'on tombe d'accord que Ninus étendit beaucoup l'empire des Assyriens. Et quant à la durée de cet empire, elle excède celle de l'Empire romain, puisque les chronologistes comptent 1240 ans depuis la première année du règne de Ninus jusqu'au temps de la domination des Mèdes. Ici saint Augustin suit la chronologie d'Eusèbe. Or, faire la guerre à ses voisins, attaquer des peuples de qui on n'a reçu aucune offense et seulement pour satisfaire son ambition, qu'est-ce autre chose que du brigandage en grand? Chapitre 7. S'il faut attribuer à l'assistance ou à l'abandon des dieux la prospérité ou la décadence des empires. Si l'empire d'Assyrie a eu cette grandeur et cette durée sans l'assistance des dieux, pourquoi donc attribuer aux dieux de Rome la grandeur et la durée de l'empire romain? Quelle que soit la cause qui a fait prospérer les deux empires, elle est la même dans les deux cas. D'ailleurs, si l'on prétend que l'empire d'Assyrie a prospéré par l'assistance des dieux, je demanderai, de quel dieu? Car les peuples subjugués par Ninus n'adoraient point d'autres dieux que les siens. Dira-t-on que les Assyriens avaient des dieux particuliers, plus habiles ouvriers dans l'art de bâtir et de conserver des empires? Je demanderai alors si ces dieux étaient morts quand l'empire d'Assyrie s'est écroulé? Ou bien serait-ce que faute d'avoir été payés de leur salaire, ou sur la promesse d'une plus forte récompense, ils ont mieux aimé passer aux Mèdes, pour se tourner ensuite du côté des Perses, en faveur de Cyrus qui les appelait et leur faisait espérer une condition plus avantageuse? En effet, ce dernier peuple, depuis la domination, vaste en étendue, mais courte en durée, d'Alexandre le Grand, a toujours conservé son ancien état, et il occupe aujourd'hui dans l'Orient une vaste étendue de pays. Or, s'il en est ainsi, ou bien les dieux sont coupables d'infidélité, puisqu'ils abandonnent leurs amis pour l'empire des Perses, renversé par Alexandre, 331 ans avant Jésus-Christ, fut reconstitué par Arsas, chef des Parthes, 246 ans avant Jésus-Christ, pour reprendre une forme nouvelle sous Artaxerce, vainqueur des Parthes, vers 226 après Jésus-Christ passé du côté de leurs ennemis, et font ce que Camille, qui n'était qu'un homme, ne voulut pas faire, quand, après avoir vaincu les ennemis les plus redoutables de Rome, il éprouva l'ingratitude de sa patrie, et qu'au lieu d'en conserver du ressentiment, il sauva une seconde fois ses concitoyens en les délivrant des mains des Gaulois. Ou bien ces dieux ne sont pas aussi puissants qu'ils conviendraient à leur divinité, puisqu'ils peuvent être vaincus par la prudence ou par la force? Ou enfin, s'il n'est pas vrai qu'ils soient vaincus par des hommes, mais par d'autres dieux, Il y a donc entre ces esprits célestes des inimitiés et des luttes, suivant que chacun se range de telle ou telle partie, et alors pourquoi un état adorerait-il ses dieux propres de préférence à d'autres dieux que ceux, s'y peuvent appeler comme auxiliaires? Quoi qu'il en soit au surplus de ce passage, de cette fuite, de cette migration ou de cette défection des dieux, il est certain qu'on ne connaissait point encore Jésus-Christ quand ces monarchies ont été détruites ou transformées. Car lorsque, après une durée de 1200 ans et plus, l'empire des Assyriens s'est écroulé, si déjà la religion chrétienne eût annoncé le royaume éternel et fait interdire le culte sacrilège des faux dieux, les Assyriens n'auraient pas manqué de dire que leur empire ne succombait, après avoir duré si longtemps, que pour avoir abandonné la religion des ancêtres et embrassé celle de Jésus-Christ. Que la vanité manifeste de ces plaintes soit comme un miroir où nos adversaires pourront reconnaître l'injustice des leurs, et qu'ils rougissent de les produire, s'il leur reste encore quelque pudeur. Mêlez, je me trompe. L'Empire romain n'est pas détruit, comme l'a été celui d'Assyrie. Il n'est qu'éprouvé. Bien avant le christianisme, il a connu ses dures épreuves et il s'en est relevé. Ne désespérons pas aujourd'hui qu'il se relève encore, car en cela qui sait la volonté de Dieu. Note. L'Empire des Perses, renversé par Alexandre, 331 ans avant Jésus-Christ, fut reconstitué par Arsace, chef des Parthes, 246 ans avant Jésus-Christ, pour reprendre une forme nouvelle sous Artaxerce, vainqueur des Parthes, vers 226 après Jésus-Christ. Chapitre 8. Les Romains ne sauraient dire quels sont parmi leurs dieux, ceux à qui ils croient devoir l'accroissement et la conservation de leur empire, chaque dieu en particulier étant capable tout au plus de veiller à sa fonction particulière. Mais cherchons, je vous prie, parmi cette multitude de dieux qu'adoraient les Romains, quel est celui ou quels sont ceux à qui ils se croient particulièrement redevables de la grandeur et de la conservation de leur empire? Je ne pense pas qu'ils osent attribuer quelque part dans un si grand et si glorieux ouvrage à la déesse de Cloacina, ou à Volupia, qui tire son nom de la volupté, ou à Libentina, qui prend le sien du libertinage, ou à Vaticanus, qui préside au vagissement des enfants, ou à Cunina, de Cunae, berceau, qui veille sur leur berceau. Je ne puis ici rappeler en quelques lignes tous ces noms de dieux et de déesses qui peuvent à peine tenir dans de gros volumes, où l'on attache chaque divinité à son objet particulier, suivant la fonction qui lui est propre. Par exemple, on n'a pas jugé à propos de confier à un seul dieu le soin des campagnes. On a donné la plaine à Rusina, le sommet des montagnes à Jugatinus, la colline à Collatina, la vallée à Valbonia. On n'a même pas trouvé une divinité assez vigilante pour lui donner exclusivement la direction des moissons. On a recommandé à Seia les semences, pendant qu'elles sont encore en terre, à Segetia, les blés quand ils sont levés, à Tutilina, la tutelle des récoltes et des grains, quand ils sont recueillis dans les greniers. Évidemment, Segetia n'a pas été jugée suffisante pour soigner les moissons depuis leur naissance jusqu'à leur maturité. Mais comme si ce n'était pas encore assez de cette foule de divinités à ces idolâtres insatiables dont l'âme corrompue dédaignait les chastes embrassements de son Dieu pour se prostituer à une troupe infâme de démons, ils ont fait présider Proserpine au germe des blés, le dieu Nodatus au nœud du tuyau, la déesse Volutina à l'enveloppe de l'épi. Vient ensuite Patlana, quand l'épi s'ouvre, Hostilina, quand la barbe et l'épi sont de niveau, Flora, quand il est en fleur, Lacturnus, quand il est en lait, Matuta, quand il mûrit, Rincina, quand on le coupe. Je ne dis pas tout, car je me lasse de nommer ce qu'ils n'ont pas honte d'adorer, mais le peu que j'en ai dit suffit pour montrer qu'il est déraisonnable d'attribuer l'origine, les progrès et la conservation de l'Empire romain à des divinités tellement appliquées à leur office particulier qu'aucune tâche générale ne pouvait leur être confiée. Comment Ségétia se fut-elle mêlée du gouvernement de l'Empire, elle à qui il n'était pas permis d'avoir soin à la fois des arbres et des moissons? Comment Cunina eut-elle pensé à la guerre, lorsque sa charge ne s'étendait pas au-delà du berceau des enfants? Que pouvait-on attendre de Nodatus dans les combats, puisque son pouvoir, borné au nœud du tuyau, ne s'élevait pas jusqu'à la barbe de l'épi? On se contente d'un portier pour garder l'entrée de sa maison, et ce portier suffit parfaitement, c'est un homme. Nos idolâtres y ont mis trois dieux. Forculus, à la porte. Cardéa, au gond. Limentinus, au seuil. En sorte que Forculus ne pouvait garder à la fois le seuil et les gonds. Note. Il est clair que saint Augustin cite ici Cloacina comme la déesse des cloaques, ne fondant sur une tradition qui a été également suivie par Tertullien et par saint Cyprien. Est-il vrai maintenant qu'il y eut à Rome une déesse des cloaques? C'est fort douteux. Cloacyria n'était peut-être qu'un des surnoms de Vénus, Cloacina, Purgatrix, Expiatria, etc. Les rapports étymologiques sont souvent intraduisibles en français. Rusina vient de rue, champ, et jugatina de jugum, crête, cime des montagnes. Patellana de pater, s'ouvrir. Saint Augustin aurait même pu distinguer patellana de patella. Suivant Arnob, on invoquait patella pour les choses ouvertes et patellina pour les choses à ouvrir. Chapitre 9. Si l'on doit attribuer la grandeur et la durée de l'Empire romain à Jupiter, que ses adorateurs regardent comme le premier des dieux. Mais laissons là, pour quelque temps du moins, la foule des petits dieux et cherchons quel a été le rôle de ces grandes divinités par qui Rome est devenue la dominatrice des nations. Voilà sans doute une œuvre digne de Jupiter, de ce dieu qui passe pour le roi de tous les dieux et de toutes les déesses, ainsi que le marc et le sceptre dont il est armé, et ce capitole construit en son honneur au sommet d'une haute colline. Tout est plein de Jupiter, s'écrit Virgile, et ce mot, quoique d'un poète, est cité comme exactement vrai. Virgile, églogue, bucolique 3, vers 60. Suivant Varron, c'est Jupiter qu'adore en réalité ceux qui ne veulent adorer qu'un dieu sans image auquel il donne un autre nom. Si cela est, d'où vient qu'on l'a respecté assez peu à Rome et ailleurs pour le représenter par une statue? Superstition blâmée expressément par Varron, qui, tout entraîné qu'il pût être par le torrent de la coutume et par l'autorité de Rome, n'a pas laissé de dire et d'écrire qu'en élevant des statues aux dieux, on avait banni la crainte pour introduire l'erreur. Note. Varron voulait-il parler du Jéhovah des Juifs? C'est ce qui semble résulter de divers autres passages de saint Augustin. Voyez livre 5, chapitre 3, et le traité, Accord des évangélistes, livre 1er, numéro 30. Sous-titre, avec l'accomplissement des prophéties le Dieu d'Israël est maintenant connu partout. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.